benvingudes, família, amb una nova edició d'aquest El Vostre Espai. Estem parlant, com sempre, a través del nostre programa de Hola La Música, el programa de música en francès que us porta Rafael Corbí. Anem a gaudir de cançons cantades en francès durant els propers gairebé 60 minuts, començant, com sempre, amb una cançó que ens parli de música. I en aquest cas, Gilbert Montagné ens en portarà una d'elles amb una versió que va fer del Killing Me Softly with His Song. Segurament la recordareu, aquesta extraordinària cançó. Benvinguts, benvingudes, comencem doncs. On m'avait dit qu'elle chantait dans un quartier perdu. Alors ce soir pour l'écouter je suis venu. De sa chanson semblait écrit pour moi. Elle chantait ma vie en musique. Elle disait mes mots en chanson. Je revoyais l'Amérique. Elle touchait mon cœur tendrement. Elle me rassurait doucement. Elle m'emportait loin. Les notes de mes années défilaient sous ses mains. Sans me connaître, elle semblait me connaître bien. Oh, j'étais seul avec elle. Elle racontait mon passé. Elle chantait ma vie en musique. Elle disait mes mots en chanson. Je revoyais l'Amérique. Elle touchait mon cœur tendrement. Elle me rassurait doucement. Elle m'emportait loin du présent. J'aurais voulu deviner qu'elle chantait pour moi. Mais il y avait tant de tristesse dans sa voix. Ouh, qu'elle avait l'air d'être seule. Seule avec sa chanson. Elle chantait ma vie en musique. Je revoyais l'Amérique. Elle touchait mon cœur tendrement. Elle me rassurait. Oh, doucement. Elle m'emportait loin du présent. Hey! Je dis qu'elle chantait ma vie. Oh, et qu'elle disait mes mots. Je revoyais l'Amérique. Elle touche mon cœur. Oh, si tendrement. Elle me rassurait. Oh, doucement. Elle m'emportait loin. Gilbert Montagné, nascut el 1951 a París, músic, pianista, organista, cantant, cec de naixement, ens portava aquesta. Ella ha cantat La meva vida en música, Killing Me Softly with His Song, la versió d'aquest tema popularment conegut. Avui escoltarem la música que ens portarà amb dues cançons. En primer, un cantant nascut a la part flamenca de Bèlgica, Arno Hingens, es deia, va néixer el 1949, i l'escoltarem en dues cançons, La fille de Bordeaux-Mer i també La llet de ma mère, amb una versió a piano, i després també escoltarem un parell de temes que ens acompanyaran a la veu preciosa de la Carla Bruni. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles au ton si clair. Elle avait l'âme hospitalière. C'était pas fait pour me déplaire. naïve autant qu'elle était belle. On pouvait lire dans leurs prunelles qu'elle voulait pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, chouin, chouin, c'était fait pour qui savait y faire. Chouin, chouin, chouin. Il y en avait une qui s'appelait Ève. C'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez les masseurs, elle invitait les premiers baigneurs à tâter du côté de son cœur. En douceur, en douceur, en douceur et profondeur. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, chouin, chouin, c'était fait pour qui savait y faire. Chouin, chouin, chouin, c'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, chouin, chouin, c'était fait pour qui savait y faire. Chouin, chouin, chouin, chouin. Lui pardonnant cette manie, je lui proposais de partager ma vie. Mais dès que revint l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ses violons dingues, sinon elle devenait malingre. Et un beau jour, j'en ai eu marre, c'était pique la mer à boire. Je le refluis en gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur. Hey, hey, hey. Oh, c'était chouette, la fille du bord de mer. Chouin, chouin, chouin, c'était fait pour qui savait y faire. Chouin, chouin, chouin, yeah, c'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, chouin, chouin, c'était fait pour qui savait y faire. Oh, hey, la bière, la bière. Oh, c'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, chouin, chouin, c'était fait pour qui savait y faire. Oh, oh, oh, yeah. Je ne sais pas sur mon corps. J'aime l'odeur au-dessus de ses bras. Oui, je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Ma mère, elle m'écoute toujours quand je suis dans la merde. Elle sait quand je suis con et faible et quand je suis bourré comme une baleine. C'est elle qui sait que mes pieds puent. C'est elle qui sait comment je suis nu. Mais quand je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Directe magnífic d'Arno, amb aquesta peça que ens acompanyava també. I com hem dit fa uns minuts, amb el començament del nostre programa, és el torn de l'exmodel i cantautora italiana, nacionalitzada, això sí, francesa, Carla Bruni, nascuda a Torí. Carla Bruni ens porta també un parell dels seus grans temes de sempre. Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé. Lorsque j'arrive, les femmes, elles me frôlent de leur regard penché. Bien malgré moi, ouais, je suis le plus beau du quartier. Est-ce mon visage, ma peau si finement grainée, mon air suave? Est-ce mon allure, est-ce la grâce anglo-saxonne de ma cambrure? Est-ce mon sourire ou bien l'élégance distinguée de mes cachemires? Quoi qu'il en soit, c'est moi le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi,

cette putain de pluie. La nuit est finie, peut-être enfin. Demain nous appartient. Gemini, même si je ne suis rien, si je suis personne, personne. Gemini, un grain de poussière dans la grisaille. Gemini, un parfum qui vient de quelque part où les portes ne sont pas closes. Over the rain. J'ai l'idée de m'élever dans l'espace. Oublie ce putain d'ennui. La nuit est finie, je sais enfin. Même si je ne suis rien, si je suis personne, personne. Gemini, sortir ce matin de la grisaille. Gemini, je crois en quelque chose, quelque part. Over the rainbow, un retour imprécise. Et tu voudrais que je t'emmène? Alors viens dans ma vie martienne. Està escoltant Hola la música amb Rafael Corbí i ara amb Charlotte's. Ce matin en me réveillant, quelle surprise en regardant mes couilles. Là, juste devant mes deux noix, c'est fou, je ne reconnais pas ma nouille. Je bande à quelqu'un qui l'a, ce mec-là. Je bande à quelqu'un qui l'a. On est sûrement un jour férié. Jamais je n'ai eu un tel vieil d'athlète. Raide étendu vers le plafond, il coupe en deux mon horizon. C'est chouette. Chouette. Oh, je pense. Je bande à quelqu'un qui l'a. Ça c'est du zop, ça c'est du zop, ouais. Oh, quel quelqu'un que j'ai. Ça c'est du zop, ça c'est du zop, ouais. Oh, quel quelqu'un que j'ai. Je devrais m'en servir tout de suite en me faisant une petite branlette. Oui, une branlette. Mais j'ai peur si

ça sera mieux qu'à Copenhague. Soit gothique, soit érotique, qu'elle dit la cochonne. Viens m'aimer avec tes sabots et ton bateau. Bah, viens m'aimer avec ton bateau et ton bateau. Soit érotique, soit érotique, je te. Aquesta és la música Soir Gothic de Charlottes, aquesta formació que de fet va estar activa durant 2 anys amb aquest nom, després es van passar a The Charlottes, així s'anomenaven també com homenatge a Charles Chaplin, conegut com a Charlotte també, però en diverses etapes i en diverses formacions van ser gairebé 6 entre els que ens acompanyaven gairebé sempre amb les primeres etapes de la formació. Primer dels 65 als 66 coneguts com Els Problemes, així es feien dir ells, i ho varen fer amb un àlbum amb el cantant Antoine. Després es van anomenar Les Charlottes des del 66 fins al 97 i van retornar breument el 2008 com un duo. La seva música, doncs, ja la sentim en Gerard. N'hi havia 2 de Gerards, tot i que un el coneixien com a Phil, ja que n'hi havien 2, en Louis, en Jen Guy i en Jen també amb aquesta formació. Com que no els havíem escoltat mai, crec recordar, amb el nostre programa, escoltarem una tercera cançó dels Charlottes que ens parla dels impostos. Ja veieu com se n'en surten d'una peça com aquesta. L'autre café, j'ai entendu un député qui a un ami murmurait ceci: prends tes précautions et surtout fais bien attention aux prochaines contributions. Puis mystérieux et très sérieux, il ajouta: mon vieux, si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phonie, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. Je me dis sapristi, il faut que tout le monde soit averti. Dans un thé dansant, je cours immédiatement. 4 musiciens, de très beaux oiseaux hawaïens, grattaient sans se douter de rien. Au maestro des musicaux, je chantais: mon pauvre gros, si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phono, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. Les ayant prévenus, je suis allé voir une revue au casino le soir, je m'offre un promenoir. Lorsqu'au même instant, je vois la vedette en chantant, qui souriait toutes ses dents. Dans la coulisse, vite je me glisse et tout bas je dis ensuite: si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phono, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. L'autre jour à Bruxelles, je pars racheter de la dentelle, quand sur une fontaine, je vois qu'elle s'en gêne. Un gosse plein de vis qui montre à tout son appendice, c'était le mannequin pisse. Je lui dis: mon petit, c'est de la folie de montrer ton nombril, si tu ne veux pas payer d'impôts,

quand j'étais près de toi, ma mère. Oh ma mère. Aujourd'hui je te reviens et j'ai refait tout le chemin qui m'avait entraîné si loin, oh si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir, et je n'ai plus qu'à repartir. Le chat et les chiens sont très vieux et ils viennent me dire adieu, adieu. Je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais, désormais. Una artista destacada en el seu moment, Nicole Grissoni, coneguda com a Nicoleta, nascuda el 1944, popular als anys 60 i principis dels 70, amb aquesta cançó i la molt celebre del 68, o Mami Blue del 1971, una cantant que va començar amb Leo Messier i després amb Johnny Hallyday, que als anys 70 va participar al Festival de San Remo. Aquest Mami Blue va trencar les llistes de vendes, la cançó escrita per Robert Giraud, inspirada en la mare de la Nicole, que patia una discapacitat mental. Després va enregistrar també la cançó en francès de la pel·lícula Papillon, toi que regardes la mer, es deia la cançó que ens aportava Nicoleta. Avui també ha estat un gust, doncs, recordar-la amb el nostre programa. Ens queden minuts per escoltar dues darreres cançons de Jean-Louis Mugat. Comme un loup sous la voie lactée, je sens monter en moi un sentiment profond d'abandon. Par mon âme et mon sang, col de la croix mort, je te garderai, je te garderai. Quand un bruit d'abattu, les giboulées seraient, je cherche ton nom. Oh, je meurs, mais je sais que tous les éperviers sur mon âme veilleront. Par mon âme et mon sang, col de la croix mourant, je te garderai, je te garderai. Pour ce monde oublié, ce royaume enneigé, j'éprouve un sentiment profond, un sentiment si lourd qu'il m'enterre, mon amour. Je te garderai, sauvé mon âme de berger. Je suis innocent. J'éprouve un sentiment profond, un sentiment si lourd qu'il m'enterre. Oh mon amour, amb aquesta peça fins al final del nostre programa, amb Jean-Louis Mugat, que ens acompanyarà en la seva música. Ho fa amb els darrers instants d'aquesta edició d'enguany d'Hola la Música. Gràcies per haver-nos acompanyat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Serà fins ben aviat. A reveure i que sigueu molt feliços. La même ordure, même amour. Même gerçure, même sang. La même étude, même chantier. Même devise, même cruauté. Même destin. Même brèche, même temps. Même berceau, même astrakhan. Même lèvre, du même allant. Même savate.